Le David par Paul Bourget. 15 années durant, nous avions tous envié la chance persistante d'Yves Clouet, le statuaire. Quand je dis nous, je parle d'un groupe d'écrivains et d'artistes dont chacun aujourd'hui dit je. Seulement, lorsqu'on s'est senti les coudes dans l'étroite intimité d'un cénacle, à la dure époque des débuts, on ne cesse pas de s'accompagner les uns les autres en pensée, sinon avec bienveillance, du moins avec un intérêt toujours très personnel et très vibrant. Pour Yves Clouet, d'ailleurs, les plus oublieux avaient une raison de ne pas désapprendre son souvenir. Cette série ininterrompue de nobles œuvres, qui ont assuré au sculpteur une place si à part dans notre école contemporaine, depuis sa Proserpine cueillant la grenade, de son premier salon en 1877, jusqu'à son tombeau d'Albasteno exposé en mai dernier. Oui, la persistante, l'insolente chance. Avoir été beau à 20 ans d'une beauté de jeune patricien de la Renaissance italienne. Il y a 35 ans, l'être encore à faire se retourner les femmes dans les rues et dans les théâtres. Avoir eu, au sortir du collège, la plus large indépendance, de quoi éviter à son talent toutes les servitudes du métier, et que ce talent, délicat et robuste, subtil et puissant, ait été de ceux qui séduisent également la foule et les raffinés. S'être marié, jeune encore, par amour, avec une jeune fille de la grâce et de la splendeur d'une Vénus antique, et que cette Vénus ait possédé en même temps toutes les difficiles vertus nécessaires à l'épouse d'un grand artiste, l'absolu dévouement, l'intelligence réconfortante, la modestie soumise et cette délicatesse d'amante qui donne à l'honnêteté du foyer la brûlante poésie de la passion. Bien souvent, parlant de Clouet entre anciens camarades, nous nous sommes dit « Yves est le seul de nous qui n'ait pas manqué sa vie ». Et comme le bonheur d'autrui n'est pas toujours une sensation agréable, un commentaire désobligeant suivait aussitôt. « Ce n'est pas difficile de réussir quand on est le larbin du public », disait l'un, sévère chroniqueur à Saint-Cloud l'invective, dans un journal de chantage financier mondain. « On arrive à tout quand on n'a pas pour un sou de cœur », disait un autre, un musicien, dont la femme est morte de misère et d'abandon. « Vous verrez ce qu'il en restera dans 20 ans », conclut un troisième, un esthéticien de brasserie, qui n'a jamais exposé une toile ni publié un volume, mais qui s'intitule lui-même, par imitation de l'anglais William Blake, sur lequel il a lu de vagues études, le peintre-poète. Ces épigrammes, et de plus cruelles, rédigées sous forme d'articles, arrivaient au vigoureux tailleur de marbre sans troubler sa sérénité. Il avait cette chance, par-dessus les autres, d'être infiniment sensible à la louange et parfaitement insensible à la critique. Les artistes très convaincus sont souvent ainsi. L'envie parlée ou imprimée le faisait rire de son rire gai, qui découvrait ses dents si blanches et sans une tache d'or, entre ses lèvres d'une pourpre si saine, et il répétait « Nos jaloux nous mesurent notre talent comme notre ombre nous mesure notre taille. » Pour ma part, je crois n'avoir jamais éprouvé devant cette étonnante fortune la vilaine crispation de jalousie haineuse, dans laquelle Yves n'avait pas si tort de reconnaître une espèce d'hommage. Non, si étrange que doive paraître cette nuance de sentiment, après ce que je viens de rapporter, Yves Clouet m'inspirait au contraire une appréhension, une terreur, presque une pitié. De toutes mes expériences des choses humaines, aucune n'a été plus constante que cette grande loi, incarnée par les anciens dans le mythe de Némésis, la déesse des compensations. Je crois profondément, absolument, à l'universelle égalité du sort, et que toute joie est payée par une exacte rançon. Quand je rencontre une personne à qui la destinée semble tout accordée de ses désirs, je ferai volontiers comme le roi d'Égypte avec le fabuleux Polycrate. Ayant su l'histoire de l'anneau jeté à la mer par le tyran de Samos et retrouvé dans le poisson, il rompit leur amitié, ne voulant, dit Hérodote, associer en rien son sort à celui d'un homme qu'un si insolent bonheur désignait à d'effrayantes catastrophes. Chaque fois que je pensais à Clouet, cette légende me revenait à l'esprit. J'attendais, non sans angoisse, le détour que prendrait la fatalité pour frapper ce grand artiste que j'admirais, je l'avoue, dans ces temps-là encore plus que je ne l'aimais. Ce qui distingue en effet la manière de Clouet, c'est un paganisme heureux et facile comme sa destinée, auquel a manqué vraiment, jusqu'en ces derniers temps, ce lait de l'humaine tendresse dont parle un poète. Son idéal manifeste une joie de force et de santé, une adoration de la libre nature, un animalisme serein par trop contraire à mes propres aspirations. On croirait que ce garçon qui vit depuis sa jeunesse, dans un décor de splendeur, parmi les merveilles d'une maison comblée de chefs-d'œuvre comme un musée, n'a jamais même soupçonné la souffrance. Que de fois, à le voir vêtu de velours dans son atelier, et qui s'exaltait à me montrer quelques-unes de ses trouvailles de sculpture toscane, son annonciation de Nino da Fiesole, son Saint-Bastien de Civitale, réplique exquise de celui de Luc, son Saint-Jean de Michelozzo. Oui, que de fois me suis-je dit qu'il avait, artistiquement parlant, comme un sens en moins, un sens, celui du chagrin, le pathétique poignant des pleurs, l'idée qu'il y a dans le monde autre chose que des formes élégantes et robustes, des étoffes somptueuses, des armes ciselées et de délicates orfèvreries. Quand il nous est arrivé de discuter ensemble quelques problèmes d'esthétique, car ce grand réalisateur est avec cela un théoricien, que de fois aussi je l'ai vu conclure la conversation par un haussement de ses larges épaules, et il ajoutait « Tout cela, c'est de la littérature. La douleur et la pensée, c'est peut-être votre domaine, à vous autres écrivains, quoique j'en doute. Nous autres artistes, notre domaine, c'est la beauté. Quelque chose qui fasse plaisir à l'esprit à travers une caresse d'essence. » « Le Christ n'est pas mort pour toi, » lui disais-je en plaisantant. « Je crois que non, » répondait-il, mais d'une voix presque sérieuse. Car à cette époque-là, il y avait réellement dans son adoration de la beauté païenne comme un frisson religieux, presque idolâtrie. C'était même cette gravité, cette ferveur pieuse de son paganisme qui l'ennoblissait, malgré son excessif orgueil de la vie. Cet orgueil-là est si aisément vulgaire. Mais peut-on être jamais vulgaire quand on aime son art comme il aimait le sien, à passer des 6 heures d'affilée sur l'épuisant travail du modelage, acharné à la perfection et indifférent au succès après en avoir connu toutes les ivresses. C'est l'héroïsme le plus rare dont un artiste soit capable. Cette noblesse était aussi naturelle à celui-ci que d'avoir ses prunelles claires dans son teint basané d'arabe, ses cheveux noirs, sa courte barbe frisée, cette aristocratie de physionomie qui en faisait un frère moderne du célèbre portrait du Louvre, l'Homogan. « Ah !» disait-il quelquefois, avec la magnifique fatuité instinctive aux artistes qui voient dans leur propre personne un modèle à peindre tout comme un autre. « Si Titien m'avait connu !» Et c'était tellement vrai que l'on oubliait de sourire. Voici 4 ans, cet homme peureux eut un suprême bonheur. Sa femme devint enceinte. Dans les premières années de son mariage, il m'avait souvent répété qu'il se réjouissait de n'avoir pas d'enfant. Il appréhendait les déformations de la maternité pour l'admirable créature dont la souveraine beauté faisait l'orgueil de son foyer. Cette impression s'accordait trop complètement au reste de ses idées et à l'ensemble de son caractère pour que je doutasse de sa sincérité. Il ne fut pas moins sincère dans la joie profonde et naïve qu'il éprouva lorsqu'il eut devant lui cette perspective d'être père. Il me donna lui-même la raison de cet apparent illogisme dans une lettre que j'ai gardée et dont je me contenterai de transcrire ici un fragment sans y ajouter d'autres commentaires que d'en souligner la date. Elle achèvera mieux que toutes les analyses d'expliquer les singularités, les anomalies d'âme, si l'on veut, de cet homme qui s'est évidemment trompé de siècle. Il aurait dû naître à la cour d'un Ludovic le Mort ou d'un Alphonse d'Est. Cette lettre permettra aussi de mesurer la profondeur de la blessure que l'éternel Némésis allait porter à ce cœur gonflé d'une espérance si passionnée. Enfin, elle rendra plus intelligible l'étrange procédé de consolation par lequel notre ami essaya de tromper la plus douloureuse des épreuves. Mais je copie ses propres phrases. « Je vais t'avouer, m'écrivait-il donc, un sentiment que tu trouveras bien médiocre, et cependant il ne l'est pas. Je ne peux pas supporter de me voir vieillir et pas davantage de voir vieillir ma femme. Elle a été, elle est encore si belle que la seule idée d'une flétrissure dans cette beauté m'inflige la même douleur que j'ai éprouvée devant toi à Londres quand nous visitâmes la salle du British où se trouve la procession des Panathénées. Et moi-même, tu sais quel culte j'ai porté à mon corps depuis ma jeunesse, comme je me suis entraîné à tous les exercices, comme j'étais sobre, chaste, régulier, pour faire de moi ce que les athlètes antiques faisaient d'eux-mêmes, un bel animal humain. Je n'ai pas peur que tu souries de ces confidences. Nous nous vantons couramment des efforts par lesquels se développent et se maintiennent nos énergies cérébrales. Pourquoi ne me vanterais-je pas de mes efforts à maintenir mes énergies physiques? Mais, contre le temps, quel remède! Déjà 35 ans, je n'ai plus ma cambrure de jadis. Cette ligne des reins, souple, alerte, divine, que certains peintres du 15e ont si hardiment rendue. Tu te rappelles les Signorelli du Mont Olivet et les Fiorenzo di Lorenzo de Pérouse. Dans 10 ans, Laure et moi, nous ne serons plus que l'image dégradée de ce que nous avons été. Eh bien, voilà le vrai motif pour lequel j'ai maintenant un appétit de paternité, égal à la crainte que cette perspective m'inspirait autrefois. Cet enfant qui va nous naître, nous allons revivre, rajeunir, durer en lui, comprends-moi bien, non seulement quelque chose de notre sang, de notre pensée, de notre cœur, mais notre forme. Le je ne sais quoi de mystérieux qui, dans l'homme, est plus que lui-même, puisque c'est la race, cette race dont il n'est qu'un moment. Quand je me regarde dans mon miroir, je vois mon père affiné par ma mère. Mon fils, car j'aurai un fils, je le sens, ce sera moi-même, affiné par ma femme. Je veux que ce soit mieux encore. Je veux que tous les grands artistes de tous les temps aient conspiré à ce chef-d'œuvre vivant. Depuis que je sais que l'enfant est là, tu n'imagines pas quelles précautions je prends pour que la mère n'ait autour d'elle que des impressions de beauté. Elle passe 16 heures dans l'atelier où j'ai disposé auprès des marbres que tu connais les plus nobles moulages de l'art antique. L'Hermès d'Olympie, les cavaliers de Phidias. Quand nous sortons, c'est pour aller au Louvre. Les soirées, nous les employons à entendre de la musique. Des pages des maîtres, du Beethoven, du Gluck, de Wagner, qu'elle exécute pour elle, pour moi et pour lui avec la solennité sincère que tu connais à son jeu. Nous lisons des vers de Hugo, de Gautier, de Ronsard, de Shakespeare aussi et de Homère. Je veux qu'il nous soit arrivé, jusqu'à cet enfant à travers les sens de sa mère, que les hautes et délicates vibrations de la vie et qu'il lui en reste une grâce dans les yeux, dans le sourire, comme un halo de rêve autour de sa beauté. C'est une statue comme une autre, mais vivante, et je l'aurai animée comme Pygmalion. Cette lettre, que j'ai sous les yeux, porte la date du 9 mai 1891. Le 14, exactement 5 jours plus tard, comme Laure Cloué descendait l'escalier de 5 à 6 marches qui mènent de l'atelier à leur petit jardin, le pied lui glissa. Et elle tomba, si malheureusement, qu'elle accoucha quelques heures plus tard, avant terme, d'un enfant dont il aurait mieux valu qu'il ne vécût pas. Car c'est aujourd'hui à 4 ans passé un pauvre petit garçon difforme, un nain, qui porte une grosse tête enfoncée dans des épaules de bossu, malheureux avorton qui ne grandira pas, et la némésis a frappé 2 fois le père. Le médecin qui a mis au monde ce monstre a déclaré que l'accouché n'aurait jamais plus d'enfant. Lorsque je vis Clouet, 3 années pleines s'étaient écoulées depuis la naissance du petit Albert, ainsi s'appelait le pauvre enfant qui avait déçu d'une manière si cruelle l'attente exaltée de l'artiste. Je n'avais fait durant cette période que toucher barre à Paris. Entre un long voyage en Orient et un non moins long voyage en Amérique, un moment où Yves était absent. Il était resté toute cette période sans plus m'écrire, ce qui ne m'avait pas étonné, le sachant peu épistolier de nature. Je comprenais d'autre part qu'il avait dû singulièrement souffrir d'une telle catastrophe. Survenant après une telle espérance et moi-même, je n'avais pas osé le questionner. L'ami commun qui m'avait annoncé l'accident de Madame Clouet m'avait bien dit que notre camarade ne se consolait pas de ce fils difforme. J'avais pensé que cela signifiait simplement un de ces regrets chez l'artiste, comme nous en portons tous au cœur, d'une très douce chose qui aurait pu être et qui n'a pas été. Je le savais si robuste, si énergique, si profondément épris de son art surtout, et je me disais, il n'y a pas de chagrin dont une heure de sculpture ne doive le distraire. J'allais éprouver combien je me trompais, dès ma première visite à l'hôtel de l'avenue de Ségur, où Yves habite depuis que je le connais, adorable asile de travail et de rêverie, caché parmi les arbres, de l'autre côté des Invalides. Plusieurs parmi nos camarades enviaient sans doute le luxe de ce petit hôtel au sculpteur célèbre, comme il lui enviait cette célébrité. Hélas, nos jalousies survivent plus souvent au bonheur que nous jalousons, et c'est une amertume de plus lorsqu'on est mordu par certaines haines de sentir qu'elles ont été déchaînées contre nous par une félicité qui n'est plus. Yves Clouet n'était pas à la maison. Je demandai si Madame Clouet se trouvait là. Le domestique hésita une seconde à me répondre. Autrefois, la porte de la jeune femme était toujours ouverte aux amis de son mari, et cette hésitation seule prouvait un changement dans des habitudes que j'avais connues si simples, si empreintes de cette bonhomie un peu bohémienne, ce charme incomparable des mœurs artistes lorsqu'il s'y joint l'honnêteté. Cependant, l'homme prit ma carte et revint pour me dire que madame allait me recevoir. Un regard me suffit, à peine entré dans le salon, pour reconnaître qu'en effet l'hôtesse de cette coquette demeure n'était plus celle que j'avais quittée. La souriante et sereine créature, qui semblait avoir dans sa splendeur comme une placidité végétative, la grâce heureuse et à demi inconsciente d'une fleur grandie sans effort, dans une naturelle harmonie avec la terre et l'air, les jours de soleil et les jours pluvieux, sans rien à faire jamais que de croître et de s'épanouir. La douleur avait touché cet être admirable et à travers la douleur, la pensée. Elle est aussi belle, mais d'une beauté autre, meurtrie, froissée, comme attendrie par la vie. Deux plis se creusaient au coin de sa bouche, où je pouvais lire la contraction des rêveries solitaires et tristes prolongées pendant de longues heures. Ses paupières étaient battues et ses prunelles avaient pleuré. Tout son corps aussi paraissait avoir éprouvé l'atteinte de la peine qui se devinait dans sa physionomie. Je l'avais connue opulente, de taille presque lourde, comme ces robustes vénitiennes que Bonifazio et Giorgione évoquent dans leurs concerts champêtres. L'idée fixe l'avait comme émaciée, comme spiritualisée. Enfin, des fils blancs luisaient dans l'épaisseur de sa chevelure noire. Elle était assise, quoique nous fussions déjà vers la fin du mois d'avril, au coin d'un feu près duquel jouait le pauvre petit garçon jadis attendu avec tant d'orgueil. Une espèce de gnome aux yeux trop grands, trop expressifs dans un visage déjà vieux. Un de ces masques d'enfant chétif où il tient un infini de misère, le pressentiment complet d'une destinée d'avortement et d'humiliation. À 3 ans, Albert Clouet, le fils du magnifique athlète dont j'avais tant envié les énergies vitales, et de cette Vénus de Milo encore si belle dans sa mélancolie, était à peine plus haut qu'un enfant de 6 mois. Et le torse où s'enfonçait sa tête trop forte le rendait difforme à ne pas pouvoir supporter sa vue. Avec cela, le geste de timidité qui le fit à mon arrivée se replier vers sa mère montrait trop le précoce éveil de la faculté de souffrir chez ce lamentable embryon d'un futur bossu, comme aussi la pose de la main de la mère sur les cheveux d'un orfauve, seule beauté de l'enfant, attestait la profonde, la passionnée tendresse de cette femme. Je compris qu'elle épiait sur mon visage avec la plus anxieuse curiosité une première impression devant son fils, et je n'oublierai jamais l'espèce de clarté qu'alluma dans ses prunelles mon geste à moi, qui caressait les boucles du petit garçon en disant simplement, pour l'apprivoiser, « Dites bonjour à un de vos amis que vous ne connaissez pas, monsieur Albert, vous verrez que je saurai vous gâter, tout comme un autre. » « Vous vous rappelez son nom ?» dit la mère. « Yves vous parle donc quelquefois de lui dans ses lettres ?» Pouvais-je répondre la vérité à une demande ainsi formulée, avec cet accent de supplication par lequel les femmes malheureuses semblent implorer d'être abusées? Et pouvais-je aussi résister au désir de savoir par le détail le drame moral dont je voyais la trace partout empreinte sur le visage de madame Clouet et autour d'elle, et dont je devinais la cause? Et je commençais de l'interroger, sans me douter que j'allais provoquer ainsi moi-même un interrogatoire de sa part, horriblement difficile à supporter. Mais, avais-je dit, c'est trop naturel qu'Yves me parle de son fils, et pourquoi cela vous étonne-t-il? Pourquoi? Pourquoi? Répéta-t-elle d'une voix profonde, et me regardant d'un regard qui me fit mal, elle questionna. Et que vous dit-il? Et comme j'hésitais, déconcerté moins par cette inquisition directe que par la visible fièvre de la jeune mère. Ah, fit-elle, vous êtes bon. Vous ne voulez pas. Vous ne pouvez pas me répéter ce que je sais trop bien, hélas, et qu'ai-je besoin de me le faire redire? Je vous affirme, madame, lui répondis-je, que Chloé ne m'a jamais rien écrit que je ne pourrais vous répéter. Je ne comprends pas très bien ce qui vous tourmente, ajoutai-je, mais je comprends que j'ai touché, sans le vouloir, à une place malade, et je vous en demande pardon. Ah, dit-elle d'un ton d'accablement, Il n'y a pas de place malade. C'est tout mon cœur qui est malade. » Puis, avec une grâce navrante dans le sourire, « C'est moi qui vous prie de me pardonner. Dès votre première visite, je vous initie à des misères que vous deviniez trop vite. » continua-t-elle en hochant ses épaules amincies. Et ses belles mains, dont je pouvais reconnaître l'amaigrissement à la flottaison de ses bagues autour de ses doigts, se posèrent tous deux sur la tête de l'enfant qui la regarda de ses yeux tendres. Elle lui dit « Va jouer !» et tandis que le petit garçon retournait feuilleter un livre d'images dans un angle du salon, avec cette docilité taciturne des enfants trop raisonnables, en qui ne bouillonne jamais l'exubérante source de la vie, un silence tomba entre la mère et moi, qu'elle rompit la première. Je dois à votre vieille amitié pour notre ménage une explication, dit-elle avec une sorte de solennité cette fois. Mais je ne pense pas que j'aurais la force de vous parler si je n'attendais pas de vous un service que seul vous pouvez me rendre, nous rendre, insista-t-elle. Voici des mois que j'ai l'idée de vous écrire et que j'y résiste. De tous les amis de Clouet, vous êtes celui qu'il a toujours préféré. Et puis les autres ne viennent plus guère maintenant. Yves est donc bien changé, lui demandai-je. Cette tristesse, cette nervosité, ces plaintes mêlées de réticence, achevaient de me rendre plus obscur le mystère de la tragédie morale que la naissance du petit Albert avait provoqué entre les deux époux. Et je sentais Madame Clouet trop misérable pour n'avoir pas peur à présent qu'elle ne se fît du mal avec ses confidences. « Bien changé, répondit-elle, et pour quelle raison ? Vous savez, et sa parole se fit plus lourde, combien il avait désiré passionnément avoir un fils. Vous vous rappelez comme il attendait, comme nous attendions la venue de cet enfant. J'ai bien réfléchi depuis lors, et j'ai compris beaucoup de choses que je ne comprenais pas. J'ai compris que nous avions eu trop d'orgueil de notre jeunesse, de notre force et de notre amour, mon mari et moi. J'ai compris que j'avais été trop fier de son génie, et lui trop fier, je peux bien en parler maintenant, que le chagrin m'a blanchi les cheveux, oui, trop fier de ma beauté, et nous n'étions pas satisfaits. Nous demandions encore au sort ce fils idéal qu'il me décrivait, avec une exaltation que je partageais. C'était trop, c'était trop. Vous avez su comment nous avons été punis de notre bonheur. Ah, nous avons tout payé d'un coup. Quand j'ai vu Yves prendre ce pauvre petit être dans ses mains, le regarder, me regarder, et qu'il me l'a rendu d'un geste qui a failli me tuer là, sur place. Et de sa main, prenant mon bras qu'elle remua convulsivement, la femme du sculpteur ajouta, les yeux brûlants, la voix éteinte. Je venais de voir qu'Yves haïssait déjà cet enfant. « Mais c'est impossible » m'écriai-je. « Laissez-moi vous affirmer que vous êtes imaginé cela, madame. Vous êtes mère. Vous avez le cœur plus tendre qu'un homme, plus délicat sans doute, plus expansif surtout. Quand vous aurez vu Cloué en présence de son fils, répondit la mère, vous saurez combien j'ai raison. Écoutez, continua-t-elle avec une âpreté d'accent où se soulageait un long désespoir, et en même temps sa voix se faisait plus basse, comme si elle avait peur que l'enfant pût entendre et comprendre. Cela vous semble monstrueux, n'est-il pas vrai, qu'une si grande misère et si injuste n'attendrisse pas un père? Une pauvre petite créature n'a pas demandé à venir, elle naît. Une fatalité veut qu'elle soit dès le jour de sa naissance frappée d'une épreuve qui doit peser sur toute son existence. C'est une raison de l'aimer deux fois, n'est-ce pas? De lui rendre d'avance, en tendresse, la joie de vivre, qui lui sera toujours refusée. Eh bien non! Yves n'a jamais pu pardonner cela, moi qui le connais si bien. Quand il entre dans la chambre et qu'il voit l'enfant, je lis dans ses yeux une espèce d'horreur qui me fait mal, ah, trop mal. C'est comme si, à côté du pauvre petit, qui n'est pas coupable, distinctement, réellement, il apercevait l'autre, celui qu'il avait rêvé. Vous vous rappelez que nous en parlions comme d'un être présent, mon Dieu. L'avons-nous aimé ensemble, ce fils qui ne nous est pas né? Mais il n'est pas né, et celui-ci est venu. Dites, si ce n'est pas une folie, une cruauté, un crime, de ne pas aimer l'enfant qui est là, qui souffre dans sa chair, qui respire, que nous avons. Et pourquoi? À cause d'une vision, d'une idée qui n'a jamais vécu. Eh bien, cette folie, c'est celle de Cloué depuis la naissance de son fils. Cette cruauté, c'est la sienne. Ce crime, il le commet tous les jours, toutes les heures. Calmez-vous. Le répondis-je, puisque vous avez tant de confiance en moi. Je vous promets d'essayer de lui parler, de vous le ramener, de le rappeler à lui-même. Je lui ai toujours connu tant de générosité dans le cœur. Il peut être la victime d'une idée fixe. Certains chagrins produisent cet effet justement sur des sensibilités d'artiste comme la sienne. Et puis le temps remet tout en place, le temps et le travail. Voici 3 ans qu'il n'a plus rien fait, interrompit Madame Chloé. Elle avait encore plus de tristesse dans ses beaux yeux profonds en prononçant cette phrase. Moi qui l'avais connue si éprise du talent de son mari, si naïvement, si absolument associée à l'effort heureux du noble artiste, je comprenais trop quelle douleur une telle phrase représentait pour elle. Et j'avais aussi trop admiré, trop envié l'enthousiasme constant d'Yves Clouet, ses fièvres gaies de créateur facile, la fête tardie de son invention, pour ne pas demeurer confondu devant le mystère de cette soudaine impuissance. 3 ans qu'il n'a rien fait, répétai-je, mais c'est impossible. C'est pourtant vrai, insista-t-elle. Ah, il a essayé de travailler, il essayera toujours. Mais on dirait qu'il est atteint maintenant d'une sorte de maladie qui le dégoûte de tout ce qu'il entreprend, avant d'avoir fini. Autrefois, vous vous le rappelez, il avait comme une magie dans ses doigts. Jamais une idée qui ne prit forme, jamais un rêve qui ne se réalisa. Quand il commençait un groupe avec un certain projet, puis qu'il sentait le tout mal venir, il changeait son projet en route, à même la terre glaise, à même le marbre. Un jour, je l'ai vu à coups de ciseaux finir en abacus une statue qu'il avait commencée en nymphe. C'est celle du parc Monceau, son chef-d'œuvre, peut-être. Maintenant, il semble que cette confiance soit tarie en lui, brisée, plutôt, comme un ressort qu'on aurait cassé. N'allez pas croire qu'il ait moins de talent. Quand vous verrez les ébauches qu'il a tour à tour abandonnées, vous le constaterez vous-même, il n'a rien perdu. Rien que cette force de finir, dont il disait toujours, vous vous en souvenez, que c'était le grand devoir de l'artiste. Si vous saviez combien souvent j'ai essayé de réagir. Non pas dans la première année. J'étais aussi malheureuse que lui, mais ensuite, quand je me suis aperçue que son caractère changeait, qu'il ne se reprenait pas, qu'il se dégoûtait toujours et toujours davantage, et aussi, elle parut hésiter une seconde, qu'il cherchait des distractions indignes de lui. Il y eut un moment où il passait toutes ses soirées au cercle à jouer. « Mais je lui pardonne tout, tout, » répéta-t-elle, avec plus de passion encore, « tout, excepté de haïr son enfant. » « Ce que vous me racontez est bien étrange, » répondis-je. « Mais avez-vous eu une explication avec Chloé ? Lui avez-vous parlé comme vous m'avez parlé ?»« Je n'ai pas pu, » fit-elle. « J'ai essayé. » Mais il m'a répondu une première fois en me plaisantant, avec cette espèce de légèreté jouée qui est si blessante pour une femme quand elle souffre. Une seconde fois, il a plaisanté encore. Une troisième, il est entré dans une colère que je me rappellerai toujours. Il est demeuré une semaine sans me dire une parole. Je n'ai plus osé. J'ai eu peur. Une quatrième fois, il s'en irait. Il me quitterait, il nous quitterait. Et pourtant, reprit-elle après un silence, je me suis remise à espérer ces temps derniers. Oui, depuis 15 jours, il a recommencé de travailler avec un peu de la fièvre que vous lui avez connue. Au lieu de sortir tous les matins et toutes les après-midi, comme il faisait depuis des mois, il s'enferme de nouveau dans son atelier. Seulement la porte en est condamnée. Vous voudriez que j'aie une explication avec lui ? Vous allez mesurer quelle rancune il me garde pour ma dernière tentative. Il ne m'a pas dit un mot de l'œuvre à laquelle il est occupé maintenant, pas un mot. Avant-hier, comme il avait eu à déjeuner son regard d'autrefois, vous vous souvenez de ses beaux yeux brillants de génie quand il avait pétri la glaise 5 heures durant et qu'il voyait sa statue. Je me suis approché de lui au moment où il se levait de table et je lui ai demandé « Tu as donc un nouveau travail en train ?»« Oui, » répondit-il et je vis qu'il rougissait un peu. « Un groupe ou une figure isolée ?» repris-je. Il hésitait. « Je ne sais pas encore, » dit-il enfin. « Et tu ne me montreras pas l'ébauche ? Tu ne me diras même pas le sujet ?» Il rougit davantage encore et il répondit « Plus tard ». Puis il me quitta brusquement, comme si ma question lui avait fait mal. « Mon Dieu !» continua la pauvre femme en joignant les mains et me regardant avec une supplication. « Vous comprendrez combien j'ai le cœur blessé quand vous saurez que ce silence de Chloé sur sa nouvelle œuvre m'épouvante. C'est insensé, ce que je vais vous dire, mais il me semble qu'au moment où il m'a répondu, plus tard, il a regardé celui-ci, et elle tourna les yeux sur le petit Albert, d'une façon si cruelle. Ah, promettez-moi que vous essayerez de voir cette ébauche. À vous, il vous la montrera sans doute, de me dire l'œuvre qu'il a entreprise, et si vous l'aimez, de l'aider, de l'encourager à la finir. Si une fois il acheva quelque chose, peut-être serions-nous sauvés. Je vous le promets, madame, répondis-je presque solennellement. Certes, j'ai reçu de mon ami de romancier un grand nombre de confessions, et de bien singulières, tant le besoin de se raconter en s'amusant ou en amusant les autres est naturel à notre espèce. Aux époques de foi profonde, les âmes chargées du poids de leur malheur ou de leur faute allaient où elles devraient continuer d'aller, vers Dieu et ses représentants. Nous avons changé tout cela. Et, la vanité aidant, les écrivains qui font métier d'analyser les sentiments sont devenus les écouteurs professionnels des amoureux et des amoureuses d'abord, et puis de l'immense troupeau des égoïstes imaginatifs pour qui les émotions ne seraient pas complètes si elles ne s'épanchaient en bavardage. Oui, que de confessions j'ai dû subir ainsi, dont je ne me plains pas, car sur 1000 peut-être, il y en a bien eu 6 ou 7 de sincères et 3 ou 4 de très touchantes. Je mets au premier rang de ces dernières celles que Madame Chloé venait de me faire, non pas pour me donner, elle, un sujet de roman, la pauvre créature, mais par une sorte de confiance désespérée dans mon empire sur son mari. Cet empire était très chimérique, car si le sculpteur m'avait montré toute notre jeunesse durant une chaude affection, c'est justement parce que j'acceptais son envahissante personnalité sans la discuter. Il n'empêche que l'appel de Madame Chloé avait été trop douloureux pour me laisser indifférent. D'ailleurs, l'étonnante anomalie sentimentale découverte ainsi chez mon ancien camarade suffisait à intéresser profondément le curieux de nature humaine qui veille sans cesse chez tous les traits. Et voilà pourquoi, 2 jours après cette première visite à l'hôtel de l'avenue de Ségur, j'y retournais. Mais j'avais cette fois demandé à Chloé un rendez-vous par une lettre où je lui disais mon impatience de voir les œuvres nouvelles qu'il avait occupées pendant notre longue séparation et détail qui me parut d'un favorable augure pour l'enquête à laquelle je désirais me livrer. Il m'avait répondu aussitôt en me promettant de me montrer son atelier. « Tu n'y trouveras pas grand-chose de nouveau, » concluait ce billet. « Pourtant, je serai heureux d'avoir ton avis sur une statue que je compte finir aujourd'hui même. » C'est le seul morceau complet que j'ai mis sur pied depuis 3 ans. On vieillit. Et il avait souligné ces mots tracés comme le biais d'une écriture moins ferme et plus nerveuse. N'importe. J'allais savoir ce que Madame Chloé désirait savoir elle-même. Je gardais une si profonde impression de sa mélancolie que pour la première et la dernière fois de mon existence, je trahis la grande cause de la franc-maçonnerie masculine. Je lui envoyais la lettre de son mari, en tête de laquelle j'avais écrit « Bon courage !» Et c'était vraiment un cri de tout mon cœur vers celui de la pauvre femme, ce cœur de mère et d'épouse, dont j'avais pu sonder la plaie saignante. Je pus reconnaître tout de suite combien cette plaie était plus envenimée encore que je ne le pensais. Ce fut elle-même qui, ayant par la fenêtre guetté mon arrivée, m'ouvrit la porte, toute pâle, toute tremblante, et elle me suppliait en joignant ses mains. « Vous ne me cacherez rien de ce qu'il vous dira, même s'il vous parle d'Albert. Oh, j'aime mieux tout savoir. » J'entrai dans l'atelier, le cœur très remué par ce dernier plaintif appel de la mère, et pourtant, il faut que je l'avoue, plus intéressé encore par le mystère moral qui provoquait cet appel. Que l'amour passionné de la beauté possède certains artistes au point d'altérer en eux quelques-uns des sentiments de l'humanité simple, je le savais depuis longtemps. Mais que cette altération alla jusqu'à dénaturer une âme d'homme au point d'y abolir l'amour paternel, au point surtout de remplacer cet amour par la haine dont avait parlé Madame Chloé. Une pareille perversion de la sensibilité par l'intelligence était-elle possible? Était-il possible aussi que la déception de cette paternité manquée eût à un tel degré paralysé cette féconde imagination d'un créateur si facile et soudain frappé de stérilité? Ces questions se pressaient devant ma pensée, et l'aspect d'Yves Chloé tel qu'il m'apparut dans le vaste atelier n'était pas fait pour apaiser ma curiosité. Si j'avais constaté un changement profond dans sa jeune femme, chez lui la métamorphose était plus évidente encore. J'avais quitté un athlète calme et souriant, fier de sa force et qui semblait invincible à la vie. Je retrouvais un névropathe, inquiet, incertain, vieilli de 10 années, l'œil irritable, le geste saccadé. Lui aussi, ses cheveux avaient blanchi, son masque s'était creusé. Pour la première fois, cet heureux, ce comblé, avait rencontré devant lui quelque chose de sévère. Et moi, qui avais si présente à mon souvenir ses théories d'autrefois, les insolences de son bonheur superbe de païen moderne défiant le sort, je comprenais quelle épreuve avait été ce démenti donné à tous ses orgueils, et je le lui dis tout simplement. Si changé fut-il, Yves devait être demeuré le même sur un point, l'horreur des finesses et des sous-entendus. Le plus sûr, l'unique moyen de connaître ce qu'il pensait de son fils, c'était de le lui demander. Avec tout autre, le procédé eût été brutal. Avec lui, c'était une délicatesse que de lui épargner ce qu'il détestait le plus au monde autrefois, les allusions et les équivoques. « J'ai su que tu avais été bien malheureux, » commençai-je, « et si je ne t'ai pas écrit, c'est qu'il n'y a pas de phrase pour plaindre certaines sortes de chagrins. » « Et moi, » répondit-il, « si je ne t'ai pas écrit de mon côté, c'est qu'il n'y a pas de phrase non plus pour exprimer ces mêmes chagrins. » Laure m'a dit que tu étais venu avant-hier. Tu as vu l'enfant. Il m'avait formulé cette demande avec une brusquerie passionnée qui déconcerta même ce que j'attendais de sa franchise. « Mais oui, » répondis-je en me sentant rougir, et j'ajoutai, « le pauvre petit, comme tu dois avoir pitié de lui, mon cher Yves, quelle épreuve, pour un être humain que de recevoir la vie dans ces conditions. » « Pitié, pitié, » répéta-t-il, et je vis ses prunelles se ternir, et tout son visage exprimer cette souffrance contractée sèche des rancunes injustes, où il entre à la fois de la colère et du remords. Et il continua. « Oui, tu as raison. C'est le seul sentiment que puisse inspirer cet enfant, mon enfant. Mais si tu savais comme c'est dur pour un père de se dire cela, que son fils sera toujours, jusqu'à sa mort, l'objet de la charité publique, moi qui ai toujours eu un frémissement de révolte à sentir qu'on pouvait me plaindre de quoi que ce fût, c'est de l'orgueil tant que tu voudras. Mais un homme ne se tient debout que par l'orgueil. J'aimerais mieux tout au monde que d'avoir à subir la pitié, même d'un ami, même de ma femme. J'ai la haine de recevoir cette aumône. Et que veux-tu? C'est monstrueux, c'est inhumain. Mais je ne peux pas la faire non plus. Je ne peux pas plaindre même ce malheureux Albert. Je ne peux pas, je ne veux pas. » Il avait jeté cette profession de foi farouche, où je retrouvais sous une forme cruelle son paganisme indomptable de jadis, avec une amertume trop poignante pour que je puisse m'y méprendre. Il pensait bien réellement ce qu'il me disait. Ses révoltes étaient sincères contre la plus chrétienne des émotions, la plus étrangère à l'orgueil de la vie, la moins esthétique aussi et la moins intellectuelle. Mais l'homme n'est pas tout fierté, il n'est pas non plus toute idée, et par-dessous l'artiste trop déçu, qui n'acceptait pas l'humiliante infirmité de son fils, la laideur de cette chair issue de sa chair, l'être instinctif palpitait chez Yves. L'appel du sang grondait sous la clameur de son orgueil rebellé. Cette haine même qu'il éprouvait contre l'enfant, monstrueuse, scélérate, abominable, trahissait des combats intérieurs, une lutte passionnée, la possibilité qu'un jour, une heure, cette âme bourrelée se retournât tout entière. En attendant, il continuait ses confidences, qui faisait une contrepartie saisissante à celle de sa femme. Il allait et venait dans l'atelier, au milieu duquel une forme enveloppée d'un linge mouillé attirait mon attention. C'était là cette mystérieuse statue dont Madame Clouet désirait tant savoir s'il la finirait du moins. Et à mesure que le sculpteur parlait, cette espèce de fantôme de glaise et de toile commençait de s'animer pour moi d'une existence plus énigmatique encore. Yves disait « Tu ne vois rien de nouveau dans l'atelier, moi qui autrefois aurait eu tant d'œuvres à te montrer. L'homme est atteint, quand il souffre, dans sa force intime. La mienne était dans mon art, et pendant 3 ans, tu as bien entendu, 3 ans, j'ai connu l'impuissance. Tu n'as jamais senti cela, cette torture de l'idée fixe, qui ne se laisse pas plus secouer qu'une lame brisée dans la plaie, et qui ne vous permet plus de suivre une autre pensée, un rêve, une volonté. Et puis, il y a eu en moi depuis cette naissance un si étrange sentiment? Celui que j'allais payer tout mon ancien bonheur, qu'aucune entreprise dorénavant ne me réussirait plus, que j'avais une fatalité sur mon âge mûr. Tu ne comprends pas. Deux plus grands que moi ont été brisés par cette croyance qu'une fois la jeunesse finie, le talent était fini aussi. Musset n'a plus rien écrit, passé 30 ans. Et même ceux d'entre nous qui continuent de travailler avec des cheveux gris, t'imagines-tu qu'ils n'ont pas tous traversé cette crise de doute quand ils ont senti la jeunesse partir, la jeunesse sainte? Cette crise, je l'aurais subie plus qu'un autre, moi qui n'ai pas su que je vieillissais, qui ne l'ai pas cru. Tu me prendras pour un insensé, mais pendant 15 ans, j'étais comme on prétend que sont tant d'orientaux, je n'ai pas su mon âge. Il avait souligné ces mots d'un accent si ému que je ne pensais pas à en sourire. Toute la tragédie intérieure dont il était la victime s'éclairait pour moi peu à peu. « Je te comprends bien, lui dis-je. Ce malheur a été 2 fois un malheur, par lui-même, et à cause de la période de ta vie où il t'a frappé. Tu l'as senti davantage parce que, à travers lui, tu as senti le reste. L'inévitable fuite des années, la nécessité d'accepter, d'organiser la faillite certaine. Mais tu gardais tant de choses dans la vie. Et ta chère femme d'abord. Ah, c'est le pire ! Interrompit-il vivement. Ce n'est pas plus raisonnable que le reste. Je lui en ai tant voulu. Oui, je lui en ai voulu d'être tombé là. C'est à 2 pas. Et il montra la porte qui allait de l'atelier au petit jardin. Était-ce une illusion ? Il me sembla que la tapisserie qui cachait cette porte, en ce moment ouverte par ce beau jour d'été, remuait comme si quelqu'un se dissimulait derrière. Mais Yves continuait. Je lui en ai voulu de ne pas assez regretter l'autre enfant, le nôtre, le vrai. Je lui en ai voulu d'aimer si profondément celui-ci. Je lui en ai voulu de ce qu'elle aussi, là, je la touchais. Voulu de ses paroles et voulu de ses silences. Quand je te dis que pendant 3 années j'étais si misérable, pas une œuvre, pas une. Ces années, c'est comme si je ne les avais pas vécues. Et maintenant ? Lui demandai-je. Et je lui montrai la masse blanche de la statue voilée dont il s'était rapproché en parlant, et vers laquelle ses yeux se levèrent aussi. Un éclair de fierté les illuminait de nouveau. Par un de ces miracles d'instantanéité dont ces organismes tout en air sont coutumiers, la physionomie de l'artiste avait changé du coup. Je retrouvais le Clouet de ma jeunesse, ce visionnaire de beauté, avec des mains d'infaillible ouvrier au service de ses visions. Sincère, fervent, presque solennel, et avec une palpitation de coupable, cependant, dans ses paroles qui me sembla si étranges, il répondit. Maintenant j'ai pu travailler, enfin. J'ai fait ce que tu vas voir, ce que tu vas être le premier à voir. Il y a 1 mois, comme je venais de me lever et que je me promenais tout seul dans mon jardin, le soleil rayonnait, les oiseaux chantaient, les feuilles frémissaient, les roses commençaient de s'ouvrir sur mes rosiers. J'eus, pendant 1 minute, cette impression de la force irrésistible du renouveau qui, dans ma jeunesse, m'enivrait quelquefois comme un vin. Je m'assis sur le banc de marbre, au fond que j'ai sculpté moi-même, et je me mis à caresser de ma main les amours qui jouent avec des guirlandes et qui servent de bras à ce reposoir. Le souvenir de l'époque où j'avais exécuté cette fantaisie s'empare de moi avec une précision incroyable, et au même moment, la honte de ma décadence. Oui, j'eus honte de moi, à cette place, devant ces vieux arbres qui poussaient encore des feuilles, devant ces vieux rosiers qui projetaient d'autres bourgeons, devant ce coin de l'éternelle nature où la vie universelle continuait de travailler, de lutter, de créer. Je tombais dans une de ces rêveries qui doivent ressembler à ce qui se passe dans les branches, précisément lorsque la sève y circule sans que l'arbre bouge, sans que le tronc soupçonne la fleur qui s'élabore en lui, qui se tisse sous son écorce nue, qui va éclore. Une idée de statue venait de m'apparaître, d'abord vague, imprécise, indistincte, puis aussi nette, aussi détachée devant mes yeux que ses feuillages et que ses roses. Elle eut surgi au milieu de la pelouse, sur son socle blanc, qu'elle n'eût pas été plus visible à mon regard. Cette statue, c'était celle du fils que j'avais si passionnément souhaité d'avoir, que j'ai eu, avant cette affreuse chute. Il était devant moi, debout, à 15 ans, sculpté en marbre dans la magnifique nudité d'une adolescence de jeune dieu. Il avait toutes les formes de mon corps à moi, avec les attaches, les pieds et les mains de sa mère. De sa mère, il avait l'ovale du visage, le menton, les oreilles, le front, le sourire des joues, et cette bouche un peu renflée, la sublime bouche des têtes grecques du VIe siècle, où il y a de l'Égypte encore. Ses cheveux bouclés sur son front, et il y avait là, sous l'arcade sourcilière, cette noble profondeur qui donne au regard de l'or cette expression si grave et si douce. Enfin, c'était notre fils, et j'allais essayer de la modeler réellement, cette statue. Comment cette pensée ne m'était-elle jamais venue auparavant? Comment et pourquoi m'a-t-elle saisi à cette place avec une telle force? Je ne sais pas. Mais je sais que je me levais de ce banc les mains tremblantes, le cœur battant. J'entrais dans l'atelier avec une émotion que je ne peux pas te rendre, tant elle était mêlée de ravissement et d'épouvante, de désir et de défiance. Allais-je retrouver pour cette œuvre qui était là, dans ma tête, si présente, si claire, si belle, ma vigueur perdue? Ce fils, que le sort ne m'avait pas permis d'avoir en chair et en os, allais-je l'avoir enfin dans cette matière qui paraît morte? Mais quand la forme s'y est imprimée, elle vit, d'une vie supérieure à l'autre, puisqu'elle défie la mort. Et je commençais à gâcher la terre glaise, pieusement, religieusement. Ah, les premières séances de ce travail unique! Tu n'en imagines pas les transes, les enthousiasmes, les découragements. Et lorsqu'il a été debout en réalité devant moi, occupant l'espace, que j'ai palpé ses muscles, touché la délicatesse de ses membres, rencontré son regard, tiens, je me plaignais de mes chagrins tout à l'heure. Ces joies les ont payées, je te le jure, mais tu vas le voir. L'exaltation le possédait tout entier à présent, et ses mains tremblaient de nouveau, en effet, pour démailloter la maquette de ses linges humides, et il continuait. Je l'ai allégorisé en David à cause de la phrase de la Bible. Je l'ai lu, je ne me rappelle pas où, et je l'ai toujours passionnément aimé. Erat autem rufus, et pulcher aspectu, decoraque facie, et aite dominus, surge unge eum, ipsi est enim. Or il était roux, et beau de port et d'un noble visage. Et le Seigneur dit, levez-vous et oignez-le, car c'est lui-même. Ce sont les trois mots que je veux graver sur la base, ipse est enim, car c'est lui. Tiens, regarde. Le dernier linge avait été enlevé, et la statue apparaissait maintenant dans cette sincérité du modelage direct, où l'on sent la touche de l'ébauchoir, la main de l'artiste, son esprit, sa fièvre. Jamais, dans ses meilleurs jours, le sculpteur n'avait approché de la beauté parfaite comme dans cette œuvre dont il m'avait raconté l'étrange et douloureuse genèse. Le triptolème de la célèbre stèle du musée d'Athènes, entre Déméter et Perséphone, n'est pas plus élégant de structure et de pose que ne l'était ce soi-disant David, simplement debout sur sa jambe droite et la gauche un peu en avant, comme dans les statues archaïques, et la gracilité vigoureuse des jambes, la cambrure souple des reins, la maigreur à peine musclée des épaules, la ligne mince du ventre, donnait à ce corps d'adolescent un caractère incomparable de sveltesse virile et d'énergie, tandis que la finesse des mains et des pieds, et surtout la délicatesse des traits du visage encadrés dans les boucles d'une chevelure créplée à la manière de Léonard, paraissent être délicieux d'une langueur toute féminine. C'était réellement la fusion des deux beautés que l'artiste avait rêvé et réussi. Pour moi, qui savait de quelle mélancolique fantaisie c'était l'aboutissement, ce David, où je reconnaissais quelques-uns des gestes de Chloé, sa structure, son attitude, et le sourire, la grâce, le regard de sa jeune femme, cette statue tenait de l'apparition, et dois-je le dire, presque du sacrilège. Non, ce n'était pas un David, le prince qui doit vaincre et régner. C'était l'image du jeune héros qui ne vivra pas, un Orial que son Isus appellera en vain, un Icare qui sombrera dans l'inapaisable océan, un Orphée que déchireront les mains cruelles des Ménades, une figure sans promesse d'avenir, mais si héroïquement, si tristement belle. Et je pouvais à peine, tant j'étais ému, exprimer mon admiration, dont l'artiste jouissait, avec cette naïveté d'orgueil si naturelle après une pareille création. Nous ne faisons pas de telles œuvres, elles se font en nous, presque malgré nous. Nous nous taisions tous les deux, et voici que nous entendîmes venir du dehors, de cette porte sur le pas de laquelle la mère du petit Albert était tombée, à la fin de sa grossesse, une plainte, sourde d'abord et contenue, puis plus haute, un gémissement coupé de sanglots, la plus désespérée lamentation qui m'ait jamais percé le cœur. Yves et moi, nous nous regardâmes. Sur ce visage que je venais de revoir, transfiguré par toutes les fièvres de l'enthousiasme, une détresse passa, et comme le remords d'un crime. Nous n'avions pas besoin d'aller et de soulever la tapisserie pour comprendre que c'était Laure qui pleurait ainsi. Elle était descendue, poussée par une curiosité irrésistible. Elle n'avait pas osé franchir le seuil, et elle avait tout écouté. Avec quel sentiment, sa lamentation le disait assez. Elle montait, montait toujours, et le visage du sculpteur se contractait davantage encore, jusqu'à une minute où deux grosses larmes lui jaillirent des yeux, qui roulèrent sur ses joues creusées. Et tout d'un coup, sans prendre plus garde à ma présence que si j'avais été un personnage d'un des moulages appendus au mur, il se précipita vers la porte. Il aperçut, assis sur les marches de l'escalier, sa femme qui sanglotait en serrant contre elle le pauvre petit être avorté et difforme, pour qui le père avait eu, pendant ces 3 ans, une si étrange haine. Et avec une surprise qui, à moi aussi, me tira des larmes, voici que je vis cet homme s'agenouiller. Il serrait sa femme contre son cœur, il pressait l'enfant dans ses bras, il disait « Pardonne-moi, je sens que je l'aime, je te jure que je l'aime, et que tu ne souffriras plus, regarde, mais regarde !» Et il couvrait le petit Albert de baisers passionnés, tandis que la mère, brisée par le saisissement de rencontrer chez son mari une pitié qu'elle n'espérait plus, appuyait sa tête sur son épaule avec un gémissement que j'écoutais s'adoucir encore, et je compris. L'événement m'a prouvé depuis que j'avais raison. Je compris que le sculpteur était sincère et qu'il pouvait réellement aimer le pauvre avorton maintenant qu'il possédait dans son atelier le fils dont il avait tant rêvé. J'avais devant moi, dans le groupe de ces 3 êtres réconciliés, à quelques pas de la statue en terre glaise, immobile sur son piédestal, le symbole du bienfait de l'art. Et je l'eus davantage encore à voir, quelques instants plus tard. La mère relevait la tête et tout en continuant à presser son fils vivant sur sa poitrine avec des mains frémissantes, sourire à l'autre, au fils qu'elle aurait pu et dû avoir, à l'œuvre libératrice qui lui avait rendu son mari. Ainsi s'achève le David par Paul Bourget.